Chapitre 11e. Bien, nous allons faire un tour à Puricard. Nous allons annoncer aux Morel, les parents de Marie, et à Madame Mazel, la tante de Josie, que l'enquête avance. Bolpice savait combien il était important pour les familles des victimes de savoir que la police ne les laissait pas tomber. Être tenus au courant de l'enquête leur permettait de faire leur deuil plus facilement et d'éviter les réactions vindicatives et irréfléchies. Bien évidemment, Volpi ne révéla pas l'identité du suspect, mais de savoir qu'il y en avait enfin un soulageait dans une certaine mesure le chagrin. Le père Morel parut apaisé, et Madame Mazel dit à Volpi qu'il faisait du bon travail, ce à quoi il lui répondit sincèrement ce qui lui venait à l'esprit, à savoir qu'il aurait préféré ne pas avoir eu à le faire. Chez les Ginoux, ce fut différent. L'enquête pour le crime de Guido en était au même point. Quant à la mort de Victor, on ne savait toujours pas s'il y avait eu meurtre. Magali présenta aux deux policiers Helmut, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'était présenté comme le fils de Victor. Malheureusement, il n'avait pu que déplorer le décès de son père et se préparait à participer à l'enterrement. D'où sort-il celui-là? Victor vous avait-il dit qu'il avait un fils? Demanda Volpi à Magali. Non, jamais. Il nous avait dit qu'il avait quitté l'Allemagne quelques années après le décès de sa femme, mais il ne nous a jamais parlé d'un fils qu'il aurait eu de son mariage. Je me demande s'il faut y croire, finalement. En tout cas, il tombe à pic pour l'héritage. Ça ne fait pas notre affaire. Oula, attendez, Magali. Aucun notaire n'ouvrira la succession s'il n'a pas les preuves de cette filiation. Il est français ou allemand? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Il y a seulement 2 heures qu'il est là. Interrogé, le jeune homme, qui parlait un français sans accent, montra ses papiers à Volpi. Il se nommait Helmut Holz, né en 1942, et était effectivement de nationalité allemande. Holz, ça me dit quelque chose, ce nom. Magali, vous ne vous souvenez pas? Il me semble que c'était le nom de la femme de Victor. Voilà, je savais bien, s'exclama Volpi. Puis il demanda à Helmut si c'était bien le nom de sa mère. C'est exact, oui. Victor n'a jamais voulu me reconnaître. C'est mon grand-père qui m'a déclaré l'état civil. Et il m'a donné naturellement le nom de ma mère. Oh, je sais que des comme moi. Il y en a eu plein pendant la guerre, mais tout de même, se tirer sans crier gare, c'est pas très joli de sa part. Magali pencha la tête de côté, intriguée par ce qu'elle venait d'entendre. Attends, qu'est-ce que tu nous dis? Que ton père est parti et t'a abandonné en quelque sorte? Ce n'est pas ce que nous avait raconté Victor. Ça, il a pu vous raconter ce qu'il a voulu, n'empêche que ça s'est passé comme je dis. Il a retiré une grosse somme à la banque et un beau jour, on ne l'a plus vu. Il a plié bagages avec 3 étrangers. Tous les matins, mon grand-père répétait « Franzose et Schwein !» cochon de français. De sorte que vous n'allez pas le pleurer beaucoup, si je comprends bien, avança Volpi. Oui, enfin non. De toute façon, je ne l'ai jamais aimé puisqu'il ne m'aimait pas. Il me traitait moins bien qu'un domestique. Heureusement que mon grand-père me protégeait. Il m'a fait jurer de récupérer ce que Ginoux nous avait volé et de le dénoncer à la police. Mais comment avez-vous fait pour le retrouver? La police allemande est aussi bonne que la police française. Et que comptez-vous faire maintenant? Pas grand-chose. Je n'ai plus rien, à part ma coccinelle. Puis il jeta un regard à Magali. Je travaillerai ici, si on veut de moi. Après tout, Tona et Magali sont ma seule famille. Et puis, dans l'argent que Victor a mis dans cette affaire, il y en a une partie qui me revient. Hé hé, s'exclama Volpi. Le jeune Helmut a de qui tenir, et il ne laisse rien perdre. N'empêche que ce que nous venons d'apprendre aurait fait de lui un bon suspect, répondit Michaud. Dis, si nous faisions la même chose qu'hier pour midi, ça coupe la journée, et je me sentirais moins fatigué. Ok, mais on va acheter 4 tomates, un petit melon et 4 tranches de jambon. Je n'ai pas envie de me farcir un sandwich. Tiens, passe par le village. Je vais acheter des clopes et nous verrons si nous pourrons acheter ce qu'il faut. Michaud stationna devant le café tabac. Pendant qu'il entrait dans l'épicerie voisine, Volpi acheta ses cigarettes. Alors, lui dit le patron, vous venez de chez Ginoux? Quel malheur quand même. On dirait que cette baraque est maudite, 2 morts déjà. La mort de Victor est un accident, précisa Volpi. Je sais, mais quand même. Volpi sentit que Victor avait dû sympathiser avec le détaillant. Normal, se dit-il, ils ont la même tête de fouine. Au fait, vous l'avez vu, l'Allemand? Demanda l'homme. Quel Allemand? Mentit Volpi. Eh ben, Celui qui cherchait après la ferme des Ginoux. Ah, expliquez-moi un peu. Ouais. Il est venu samedi matin, il m'a demandé si je connaissais les Ginoux et comment faire pour aller chez eux. Vous êtes certain que c'était samedi matin ? Demanda Volpi. Ah, sûr. C'était en fin de matinée. Habituellement, le samedi matin, je vais jouer l'apéro aux boules avec Féfé et Momo. C'est le seul jour de la semaine où je joue aux boules. Mais ils jouaient tellement mal, tous les deux, que j'ai pris la colère. J'ai jeté les boules et je suis revenu remplacer ma femme. Et c'est là que j'ai vu l'Allemand. Vous pouvez demander à Féfé. Il est venu me rapporter mes boules et on s'est moqué tous les deux de la bagnole de l'Allemand. Une coccinelle marron. On aurait dit un gros hanneton. Volpi remercia et se mit au volant de la 403. On retourne chez les Ginoux, déclara-t-il à Michaud lorsqu'il revint. T'as oublié quelque chose ? Non, mais je viens d'apprendre que Helmut nous a enfumés. Il était déjà dans le coin le matin du jour où Victor a disparu. Ça fait une différence, non ? Je veux. On va le secouer un peu. Michaud faisait allusion à la méthode utilisée par l'équipe, méthode qui consistait à secouer fortement les prévenus comme des pantins désarticulés. C'était impressionnant, avilissant, mais ça ne laissait pas de traces. On va d'abord lui demander de nous dire gentiment la vérité. Ils arrivèrent alors que tout le monde était à table, dans l'ombre fraîche des épais murs de la ferme. Volpi remarqua que les quatre Italiens étaient aussi attablés et tous parlaient en même temps. « Tiens, il y a du changement ici, » remarqua Volpi en désignant les quatre ouvriers. « Bah oui, ce ne sont tout de même pas des esclaves, » répondit Tonin. « Ce sont des travailleurs, comme nous. Mon frère les traitait comme des moins que rien. »« Le Tonin est un uomo buono, » confirma Sandro, le chef d'équipe. « Et anche la figlia, » renchérit l'un des maçons. Volpi mit la main sur l'épaule de Helmut et lui demanda de sortir. « Quelques petits détails à régler, » dit-il aux autres d'un ton neutre. Les deux policiers firent asseoir Helmut à l'ombre de la grange sur une pile de briques et se placèrent de part et d'autre de lui. Volpi reposa sa main sur l'épaule du jeune homme, puis il accentua la pression. « Helmut, vous m'avez l'air d'être un bon gars. Tout à l'heure, vous ne nous avez pas tout dit. » Il vaudrait mieux déballer votre sac maintenant plutôt qu'au commissariat avec des menottes. L'ombre y est fraîche aussi, mais ça sent mauvais. Je ne comprends pas. Mais si, mais si. Quand avez-vous vu votre père vivant ? Helmut garda le silence quelques secondes, puis poussa un long soupir. Bon, après tout, je n'ai rien fait de mal. Je suis venu samedi soir vers 8 heures. Il expliqua qu'il était venu entre 7 et 8 heures du soir. La ferme semblait déserte. Il avait aperçu alors Victor en haut d'une vénérable échelle appuyée contre le haut réservoir. De le revoir ainsi lui avait fait monter les sangs brutalement. Des années de haine avaient jailli à la surface en un torrent bouillonnant. « Des sangs fumiers, j'ai 2 mots à te dire !» Victor reconnut son fils immédiatement. « Fous le camp, dégage, je veux plus te voir, battant !» Se disant, il faisait de grands signes avec ses bras. Helmut se saisit d'une pelle qui traînait là. « Descends, je te dis, salaud, que je t'écrase la gueule !» Helmut fut tenté de monter après l'échelle, mais il sentit bien que l'objet ne supporterait pas le poids de 2 hommes qui en plus gesticulaient. J'attrapai l'échelle pour lui faire croire que j'allais monter. Il s'est mis à gigoter de plus belle tant et si bien qu'il a perdu l'équilibre. Il a basculé vers l'arrière et pour se rattraper, il s'est penché vers l'avant. C'est à ce moment-là qu'il a perdu pied et qu'il est tombé tête première dans le réservoir. Et qu'avez-vous fait alors ? J'étais un peu sous le choc. J'entendais ses jambes frapper le réservoir. Finalement, je suis monté à l'échelle, mais comment vouliez-vous que je le sorte ? Il aurait fallu une corde ou un crochet, enfin quelque chose, quoi. Et vous n'avez pas appelé ? J'allais le faire, et la vérité, je me suis dit qu'on allait me demander des comptes et qu'on m'accuserait de l'avoir poussé ou d'avoir secoué l'échelle. Alors j'ai mis l'échelle contre le mur et je suis parti en douce. « Qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité ? » demanda Michaud. « Rien. De toute façon, vous pouvez faire comme si je l'avais tué. » « Car si j'avais pu, je l'aurais fait, c'est sûr et certain. Mais je ne l'ai pas réellement tué. »« On peut vous accuser de non-assistance à personne en danger ?» rétorqua Volpi. « Vous êtes tout de même la cause de sa mort. »« Si vous voulez. »« Quoique la cause de sa mort, c'est d'être monté sur une échelle branlante pour faire je ne sais quoi. »« Mais de toute façon, secours ou pas, il y passait tout de même. » Volpi lâcha Helmut et le fit se relever. « Bon, pas un mot de notre entretien aux autres, compris ?» « Tenez-vous-en à ce que vous avez déjà raconté. Quant au mec du bureau de tabac, il raconte n'importe quoi. » Les deux flics accompagnèrent Helmut dans la ferme. Il y a un problème ? Demanda Magali. Non, aucun. Nous lui avons expliqué la marche à suivre pour rester en France et y travailler. Allez, ciao tout le monde. De retour vers le commissariat, Michaud jetait de temps à autre un coup d'œil à Volpi qui restait muet au volant. Puis finalement, n'y tenant plus, « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Rien, » répondit Volpi le regard fixe. « Ah, ma foi !» répondit Michaud dubitatif. Au bout d'une minute, Volpi reconnut qu'il fallait tout de même donner quelques raisons à son ami et subordonné. « Écoute, Serge, si on le défère devant le juge pour non-assistance à personne en danger, comme je ne connais qu'Assar, quand il connaîtra les antécédents de la famille, il ne croira pas une minute l'histoire du jeune. Il va tenter de l'inculper pour meurtre. Et qu'ils sont ceux qui vont se décarcasser pour trouver des preuves à charge. Je les connais bien, ceux-là, plaisanta Michaud. Voilà. Or, je suis persuadé que ce jeune nous a dit la vérité. Comment peux-tu en être si sûr ? Mon intime conviction, mon cher, répondit Volpi, le plus sérieusement du monde. Mon intime conviction. Non, crois-moi. Ce jeune a déjà effectué sa peine de prison depuis que le destin lui a donné Victor pour père. Des histoires comme la leur, il y en a dans la France entière, depuis des siècles. Tu as raison. Concentrons-nous sur les meurtres des gamines. Et celui de ce pauvre Guido ?